Et tout de suite sur Radio Dio, c'est qui ou quoi? BD, livre pour enfants, guide de, documentaire ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une heure en retard pour parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Bienvenue sur Radio Dio, bienvenue dans Qui ou Quoi, l'émission qui suit la nuit des temps une fois par mois sur Radio Dio. Je suis Axel et je ne suis pas seul, je suis avec Benjamin. Benjamin, bonsoir. Bonsoir Axel, bonsoir tout le monde. Ah, attends, je te mets un peu plus fort. Donc bonsoir Benjamin. Bonsoir Axel, bonsoir tout le monde. Alors merci d'avoir fait craquer ton téléphone pendant le générique, c'était super. Donc bienvenue dans cette septième émission, je crois, de la septième saison de Qui ou Quoi. Bon, de toute façon, hein, les comptes, c'est pas très très grave, c'est pas le plus important. L'important, c'est ce dont on va parler ce soir. Et ce soir, on va vous parler on va faire une espèce de spécial George Lucas et Star Wars. Alors Benjamin, la dernière émission que nous avons faite sur Radio Dio, tu avais préparé une bande dessinée sur George Lucas qui s'appelle Les Guerres de Lucas. Les Guerres de Lucas, et nous n'avions pas eu le temps d'en parler. Exactement. Et tu étais très déçu de ne pas pouvoir en parler parce que tu aimes profondément Star Wars et George Lucas. Et donc moi j'ai saisi la balle au bon vu qu'on avait un petit peu dépassé l'heure malgré le retard qu'on prend à chaque fois pour commencer, et je t'ai proposé que nous fassions une spéciale Star Wars pour l'émission suivante. C'est ce que nous allons faire. Donc toi, tu vas enfin pouvoir nous parler donc la guerre des Lucas, c'est ça? Ouais, c'est ça, de Renaud Roche et Laurent Hopman. Et moi je m'étais engagé à lire un livre de Paul Hirsch qui s'appelle Il y a bien longtemps dans une salle de montage lointaine, très lointaine. Et il se trouve que pour une fois j'ai tenu parole, donc j'ai eu le temps de lire le livre que je devais lire. Et toi, bon ben, t'as pas relu d'autres choses? Pas en lien avec Star Wars en tout cas. Pas en lien, bon. Eh bien, c'est parti, on va commencer cette septième émission de la septième saison sur Star Wars. Eh bien, Benjamin, je propose que c'est toi qui commences à lâcher les chevaux. Ouais. Et à nous parler de cette bande dessinée, alors, dont moi, je n'avais jamais entendu parler avant que tu me proposes d'en parler dans l'émission. Ouais. À propos de laquelle j'ai pu avoir des échos plutôt positifs par la suite. Résultat, je suis assez curieux de ce que tu vas nous en dire. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais en dire des choses plutôt positives. Donc déjà, je rappelle le titre, Les Guerres de Lucas. Nous avons Renaud Roche au dessin et Laurent Hopman au scénario. Alors, je t'avouerai que j'ai pas fait de recherche particulière, mais je crois que Renaud Roche, c'est sa première BD. En tout cas, la première à être éditée. C'est chez Deman Édition. Je sais pas si on dit Deman ou Deman, j'en sais rien. C'est pas un éditeur que tu connais? Non, pas du tout. C'est vraiment c'est une BD dont je n'avais jamais entendu parler avant que tu... Et oui, mais tu pourrais connaître l'éditeur, tu vois. Mais à tout niveau, je n'avais jamais entendu parler de quoi que ce soit. Donc c'est sorti en en octobre 2023, et depuis, c'est une BD qui a eu le prix FNAC France Inter 2024, je vais vous dire si c'est bien, qui fait 206 pages. D'accord. Voilà. Et donc, en format de combien ? Pour ne rien vous cacher, c'est un livre qu'on m'a offert, et pour rien vous cacher, je crois que je parle très souvent en fait de livres qu'on m'offre. Voilà, c'est un peu un... C'est un gimmick. Ouais, voilà. C'est un point commun dans tous les livres dont tu parles. Ouais, j'ai une théorie là-dessus, c'est peut-être que les livres qu'on m'offre sont peut-être par essence un peu moins chiants que ceux que je m'achète. Et du coup, et puis comme on me les offre, j'ai tendance à les lire plus facilement que ceux que, voilà, mauvaise conscience, tout ça, tu vois, on me l'a offert quand même, faudrait que je le lise et tout. Mais j'avoue que quand, parce que, alors non seulement on me l'a offert, mais il était emballé, tu vois, c'était un vrai cadeau, quoi. Okay. Et j'avoue que quand c'est hyper important. Truc, c'est tout, j'ai fait, une BD sur George Lucas et sur Star Wars. Oui, alors on va pas non plus. Moi, j'ai commencé en disant que tu avais une grosse passion pour Star Wars. C'est pas forcément vrai. Non, alors c'est pas forcément vrai. C'est pas complètement faux non plus. Voilà, je suis de cette génération qui a connu à la télé la première trilogie. Et je peux pas dire que j'ai passé de mauvais moments dans ces films-là, mais après je voue pas de culte particulier à Star Wars. Je suis même pas à jour dans ce qui a pu sortir au cinéma. Et quand j'en parle, on me dit que c'est très bien comme ça la plupart du temps. Voilà, il paraît qu'il y a des séries qui sortent qui sont très bien, mais bon, je ne penche pas plus que ça là-dessus. Mais au-delà de ça, j'ai un vrai problème avec George Lucas. Voilà, c'est vraiment pas. C'est-à-dire. Déjà sa tête, quoi. Okay. Utilisons pour une fois les vrais arguments et les bons arguments. Ok, non, oui. Donc en fait, il a une barbe comme toi et voilà, quoi. T'as vu la tête de George Lucas, on voit pas ses yeux, il est fourbe ce mec, c'est sûr. Non, mais j'ai même du mal, tu sais, à dire le réalisateur George Lucas parce qu'au final, il a pas réalisé tant de trucs que ça. Mais bref, j'ai un souci avec George Lucas. Mais vraiment, c'est aussi basique que ça. Je crois que sa tronche me revient pas. Et après, il y a toute une série de choses, sans que j'ai trop suivi sa carrière, mais sa gestion de ses propres films, enfin en tout cas de la saga Star Wars, où régulièrement il les ressort en réactualisant les effets spéciaux, je trouve ça insupportable. Ouais. Bon, alors ça, on pourrait effectivement faire une spéciale Star Wars pendant des heures avec des vrais fans, parce que donc toi t'aimes pas George Lucas. Moi, je le déteste depuis maintenant un certain moment, alors que justement c'était quelqu'un d'important, je sais pas, mais en tout cas Star Wars a compté dans mon histoire d'enfant personnel et dans l'histoire familiale ou des trucs comme ça, quoi. Mais parce qu'il est moche, on est bien d'accord. Non, mais je sais même pas quelle tête il a, je pourrais même pas le reconnaître dans la rue si je le croisais, c'est te dire. C'est vrai. Je connais des gens qui vouent encore un culte enfin, pas un culte, mais en tout cas qui n'ont aucune, qui n'arrivent pas à développer de critique vis-à-vis de ce qui peut sortir aujourd'hui autour de Star Wars. Après, faut pas se leurrer non plus. Tout ce qui sort autour de Star Wars aujourd'hui n'a absolument aucun rapport avec George Lucas. George Lucas, lui, il a juste payé il a vendu la franchise, il s'est fait de la thune et puis voilà. Enfin bon, je dis ça, je suis même pas vraiment sûr de moi. Mais je crois qu'il y a quand même un gros truc un peu comme ça, c'est-à-dire que maintenant il a un peu tourné le dos au truc, même dernièrement je crois me souvenir qu'il avait été pas content d'un truc que Disney avait fait, mais bon, c'est un peu trop tard, hein. Fallait y penser avant. Bref, je te laisse continuer. Ouais, donc voilà, moi j'ai pas de culte particulier. Alors, juste sur cette histoire d'effets spéciaux, tout ça, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des gens qui sont assez fans de Star Wars, et qui m'ont dit, qui ont reconnu que c'était pas forcément génial, mais qui m'ont dit, financièrement, c'est intéressant, c'est un motif financier pour les ressortir. Alors moi, je le voyais vraiment pas comme ça, en fait, tout naïf que je suis. Moi, je le vois vraiment comme comme une espèce de réécriture, tu sais, cinématographique, enfin de l'histoire cinématographique, et ce point-là me plaît pas du tout. J'aime bien voir des films avec des effets spéciaux peut-être datés, mais parce que justement, ça permet de replacer des choses dans leur contexte, etc. etc. Bref. Là, pour le coup, dans le livre dont moi je vais parler, il y a des éléments qui abondent dans le sens ni dans le sens vraiment des remarques que tes amis ont fait, mais en tout cas qui vont à l'encontre de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, George Lucas apparemment a une vision bien précise de comment devraient être ses films et ses effets spéciaux. C'est vraiment un truc, un peu une espèce de truc de visionnaire. Pour lui, il sait comment c'était. À l'époque, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le réaliser, donc il a fait avec ce qu'il pouvait. Mais pour lui, il a une image en tête. Et tant que ce n'est pas arrivé à ce que lui, il veut, apparemment, il est très têtu et obstiné, et ben, en fait, il ne va pas lâcher l'affaire, en fait. Voilà. Là, comme c'est trop génial, Axel, ce que tu dis, parce que ça va rebondir sur, auparavant sur ce que je vais dire, et ça rebondira après sur ce que tu diras. C'est vraiment, on est trop fort. On devrait presque préparer des émissions de temps en temps. Donc, moi, j'ai toujours trouvé, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Mark Hamill, plutôt vilain, lui aussi. Alors, Mark Hamill, c'est Luke Skywalker, pour ceux qui ne savent pas. Oui, voilà. Je n'ai pas d'avis sur l'esthétique, ni de George Lucas, ni de Mark Hamill, désolé. Et, alors, le personnage, évidemment, c'est l'élu, le gars, il a la force et tout ça, mais après, son incarnation, si tu veux, par Mark Hamill, m'a jamais bouleversé. J'ai même découvert super tard que la princesse Leia était une source de fantasmes. Moi, ça m'avait vraiment pas sauté aux yeux, en tout cas, au gamin et même un peu plus tard. Voilà, donc je sais pas, je vais avoir une lecture un peu étrange de Star Wars. Pour tout vous dire, moi, ce que je voulais, je m'imaginais plutôt être un Wookiee qu'autre chose. Alors, malheureusement, pour ceux qui me connaissent. Tu t'es retrouvé, c'est juste à peine un Ewok. C'est ça, je suis plutôt sur la piste de l'Ewok, c'est tout à fait ça. Bref, ouvrir un paquet, tomber sur une BD sur Star Wars, au départ, je suis un peu sceptique. Et puis, on me dit non, mais je t'assure, c'est vraiment bien. Enfin, voilà. Et effectivement. C'est vrai, faut que je reconnaisse que cette BD, elle est plutôt intéressante, notamment pour mettre en lumière tout le processus de création et de production d'un tel film, surtout à l'époque finalement où il y a une norme à redéfinir, enfin ce que Star Wars arrivera à faire malgré tout quelque part dans ce qui va être, enfin dans ce que sont les blockbusters. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi des relations avec les studios et donc des financements du film. Et c'est vrai que quand on nous parle de cinéma, la plupart du temps, on a plutôt affaire aux anecdotes de tournage avec les comédiens qui sont toujours super potes, qui s'entendent toujours super bien. Et voilà. Et en fait, pour une fois, on va nous parler d'autre chose dans cette BD. Pour faire une petite parenthèse pour les gens qui suivent assidûment l'émission, on avait chroniqué avec Axel le livre de David Lynch et Christine McKenna, L'espace du rêve. Et juste pour rappeler qu'on retrouve un petit peu ce genre de choses dans ce bouquin sur comment on fait un film, comment on se présente au studio, comment on présente un pitch. Dans le livre de David Lynch ? Oui, oui, oui. Il y a quand même toute une partie qui parle de ça un peu avant la liste exhaustive de ses stagiaires une fois qu'il est vieux. Je sais pas si tu te souviens. J'ai surtout souvenir qu'on avait défoncé le livre parce qu'on était hyper déçus et que c'était une litanie sans fin de choses inintéressantes en fait. Non, moi je suis pas d'accord et justement par ce biais-là, c'est vrai qu'on voyait aussi, tu vois, dans le bouquin de Lynch, on apprenait que quand tu vas dans un studio pour présenter le pitch de ton film, a priori, il t'appartient plus. C'est comme ça dans la tradition d'Hollywood, tu vas raconter ton pitch à un assistant de prod, et du coup, en tout cas à une certaine époque, les studios avaient finalement les droits de ton pitch. Ce genre de choses. Et là, on est confronté un peu aux mêmes choses dans ce livre-là, comment les studios te disent qu'ils vont te donner de l'argent, mais qu'ils tardent à te le donner parce que, ils sont à peu près sûrs que tu vas te planter, que tu vas pas arriver à faire le truc. Alors ils vont te donner des délais impossibles à tenir en disant attention, c'est contractuel, si vous tenez pas les délais, de toute façon, on garde notre thune, etc. Donc il y a vraiment tout cet aspect-là qui est plutôt bien décrit. Le dessin, lui, est assez épuré, assez dynamique, majoritairement en nuances de gris, avec à chaque planche une ou deux petites touches de couleur. Il y a certaines planches entièrement colorées, mais ça a une vocation, on va dire. C'est plutôt des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire, si je me trompe pas, si je me souviens bien plutôt. Donc le dessin est plutôt pas mal. À la fin, de l'ouvrage, il y a un portfolio du dessinateur, de Renaud Roche, qui présente et commente ses pistes de travail, des dessins préparatoires, en disant, bah voilà, j'ai vachement bossé là-dessus, et puis je me suis rendu compte qu'avec tout ce qu'on avait à dire, ça me prendrait un temps dingue de dessiner tout ça, donc finalement je suis allé plus à l'épure dans le dessin, etc. Donc c'est pas complètement inintéressant non plus. Et donc le scénar, lui, en quelques pages, il brosse la jeunesse de Lucas en passant, tu vois, par le flashback, mais c'est plutôt bien amené aussi. Et l'accent est vraiment mis sur le côté obsessionnel et borné du cinéaste, tu vois, ce dont tu parlais tout à l'heure. Alors c'est souvent présenté positivement, mais pas seulement, notamment en ce qui concerne le casting, et en particulier le casting d'Harrison Ford. Je vous laisserai lire la BD pour savoir en fait comment se passe le casting d'Harrison Ford et pourquoi, alors que George Lucas le connaissait déjà, il n'en voulait absolument pas dans son film pour finalement se rendre à l'évidence. Donc oui, il y a des anecdotes de tournage. Laurent Hoffman évite quand même l'écueil de produire que ça, et souvent quand on a des anecdotes de tournage, elles sont pas complètement gratuites, elles sont pas détachées du propos. C'est des choses sur le fait que le tournage donc est très serré en termes de timing, se passe dans différents pays et les droits, le droit du travail n'est pas le même dans tous les pays. Et quand George Lucas se dit le film c'est super, là on est arrivé à bosser pendant 2 mois, travailler 16 heures par jour, on va aller en Angleterre, on va bosser pareil, on va s'en sortir, et dès le premier jour du tournage on lui dit bah non mais 17 heures monsieur, c'est l'heure du thé, la journée elle est finie quoi. C'est des choses comme ça, c'est ce genre d'anecdote là. Bon, après, il y a des choses entre comédiens, des coucheries, des choses, mais voilà, qui sont quand même dans le propos global du livre. J'ai une question à te poser. En fait, avant de te poser cette question, on va se faire une petite pause. Comme ça, voilà. tu reprends ton souffle et puis tu vas pouvoir finir ton thé. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Dictator, POTUS my tail, Astrobator, prime time primo, rhyme time crime, like no other in this lifetime. White House killer, dead in lifelines, broke this joke out, or die trying. Unprecedented, demented, mini presidented, Nazi Gestapo, dictator defendant. It's not what you think, it's what you follow. Run for them jewels, drink from that bottle. Another 4 years, gonna gut your hollow. Gun it out, dried up, broken, can't borrow. Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. Mister, I am the law and you are not. In fact, I'm God, I got a lot. Mr. These United Breaks, take over, come over. Orange hair, fear the comb over. Here's another scare, keep them hands in the air. Better not breathe, you dare not dare. Don't say nothing, don't think nothing. Make America great again, the middle just love it. When he wanna talk, walk y'all straight to them ovens. Human beings of color, yeah, we be suffering. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. Vote for hell, real generals now, not some USFL. Not a fucking game, I did not mention his name. Operation 45, yeah, it's the same thing. Sounds like Berlin burning, same thing. History's a mystery, if y'all ain't learning. In this clown show, for real estate bozo. Nazi cult 45, Gestapo. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. Shut the fuck up, sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up, sorry. Sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. State of the Union, shut the fuck up. Sorry ass motherfucker, stay away from me. C'était le morceau State of the Union de Public Enemy. Vous êtes toujours sur Radio Duo 89.5 sur Saint-Étienne et vous écoutez qui ou quoi. Benjamin, nous et sommes donc de retour. C'est terrible, je vais rigoler à chaque fois alors que ce n'est pas drôle. Nous en étions à... j'avais une question. Donc, dans ce livre, La saga des Lucas, la guerre des Lucas, est-ce qu'ils ne parlent que de la première trilogie ou est-ce qu'ils évoquent tous les films de 1 à 9? Ah non, ils parlent que du premier. Ah, ils parlent que de Un Nouvel Espoir. Exactement, ils ne parlent que de celui-là. Alors, je crois qu'il y a une fin ouverte qui laisserait présager que peut-être ils parleront de la suite. Voilà. Des aventures de George Lucas, mais non, il parle vraiment que de celui-ci, de sa fabrication et du coup de sa sortie aussi. Et il y a des choses intéressantes d'ailleurs à apprendre de ça également. Enfin, tu vois, moi je savais pas qu'en fait avant Star Wars, en tout cas d'après les auteurs de la BD, enfin la bibliographie quand même derrière est assez exhaustive. Je pense qu'ils ont quand même potassé leur truc. Il y avait la séance unique au cinéma aux États-Unis n'existait pas. Tu achetais un ticket d'entrée et tu pouvais rester dans le cinéma à regarder des films, quoi, tu vois. Et avec le succès de Star Wars, les gens faisaient vraiment la queue pour voir le film, sauf que visiblement, bah, ceux qui venaient de le voir voulaient pas sortir pour le voir à nouveau. Et c'est donc comme ça qu'ils ont décidé de faire des billets, des tickets à la séance. Dans le monde entier ? Alors, en tout cas, aux États-Unis. Ok, c'est vrai. Aux États-Unis. Dans mon livre, même s'ils évoquent la sortie d'un Nouvel Espoir, ils évoquent pas. Enfin, ils parlent de la queue devant les files d'attente devant les cinémas, mais ils évoquent pas la raison dont tu parles. Ouais, bah écoute, donc voilà, là il y a des queues énormes. Bon, bah de toute façon, même si, enfin, je pense que le fait d'avoir des billets, enfin des tickets à la séance, n'ont pas complètement supprimé les queues devant les cinémas. Mais en tout cas, voilà, jusque-là, tu pouvais aller regarder deux films, trois films si tu voulais, et on te laissait tranquille. Alors que quand il y avait tellement d'argent à se faire avec le public en attente, qu'il a été décidé de vendre des billets donc à la séance. Mais donc tout ça pour dire que le récit est plutôt bien mené. Enfin, on s'ennuie pas. Tu vois, la BD est un petit peu, enfin, fait un peu plus de 200 pages, donc c'est quand même déjà un petit peu dense, même si c'est désormais des formats qu'on trouve de plus en plus, ces formats longs en BD. On est un peu depuis quelques années quand même sorti du format 48 pages à peu près. Hein, c'est ça, c'était ça, je crois, 42 ou 48 pages la plupart du temps. Oui, 48. Donc voilà, on y croise, hormis le casting, on y croise des réalisateurs appréciés ou non, mais je suis pas là pour dire du mal de Spielberg. Mais je suis en train de manger son nom, Coppola, on croise De Palma, on croise ces gens-là qui des fois peuvent avoir un avis à émettre. Enfin, Coppola, on fait un peu plus que le croiser parce que il travaille un temps avec George Lucas. Je crois qu'ils ont une boîte de prod tous les deux, un truc comme ça. J'imagine moi qu'il y a plein de références et plein de clins d'œil à la saga, mais je suis sans doute pas assez fan pour les saisir. Mais sans revenir sur ce que je disais sur mon rapport à Lucas, effectivement, présenté comme ça dans la BD, son entêtement et sa détermination ont quand même tendance à forcer le respect. Même si le détracteur que je suis trouvera son compte, parce que il apparaîtra en creux, enfin en tout cas à mes yeux, mais ils sont, voilà, mon regard est certes sans doute biaisé, il apparaît en creux que Lucas n'est pas forcément un immense réalisateur, que d'ailleurs c'est pas, enfin d'ailleurs il a assez peu réalisé, que c'est pas forcément non plus un bon scénariste. Parce que on voit que des moutures du scénar, il y en a eu plein. Et alors, il a eu ce truc-là quand même d'accepter des moments les retours qui lui étaient faits. Mais voilà, entre ces versions, bon, a priori, c'est pareil, c'est pas non plus c'est chose courante que de retravailler un scénario, mais c'est que là vraiment il y a eu des choses très très différentes. Que s'il n'est pas bon scénariste, il est peut-être encore pire dialoguiste. Et que en fait, ce qui ressort de ce mec, selon moi, hein, c'est que c'est une espèce de besogneux acharné, quoi. Et qu'effectivement, il a eu cette vision-là, il a eu envie et besoin de se faire ce film, et qu'il a pas lâché le morceau, même si de temps en temps, voilà, il a fait des concessions. Quand sa femme lui dit non, ça faut pas, ça faut plutôt faire ci. Quand Coppola lui dit laisse tomber tel truc. Quand le studio lui dit non, mais votre scénario c'est de la merde. Il arrive quand même à se servir de ça, mais qu'au final, c'est en tout cas, ça renvoie pas l'image du génie que certains nous présentent de temps en temps. Pour le coup, une des raisons pour lesquelles j'avais dit viens, on fait une spéciale Star Wars. C'était un truc assez, assez rigolo. C'est-à-dire que moi, je connais des fans de Star Wars, mais vraiment hardcore. Enfin, de la première trilogie, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'ils pensent de la prélogie et de la suite. Enfin, si, globalement, ils n'aiment pas. Mais il y a une théorie qui tournait comme quoi, en fait, Star Wars, c'était pourri à partir du moment où George Lucas s'est séparé de sa femme. Sa femme, qui est donc une fameuse monteuse, qui est monteuse et qui est assez connue, qui a monté au moins le Nouvel Espoir, le premier, la Guerre des Étoiles, un tout petit peu moins l'Empire contre-attaque. Je crois qu'elle est sur le Parrain, un truc comme ça. Enfin, j'ai vraiment oublié. Pourtant, je l'ai lu la semaine dernière. Mais en tout cas, c'est pas elle qui va monter le deuxième Star Wars, l'Empire contre-attaque. Et en fait, moi, j'ai toujours été curieux de cette théorie que je comprenais pas d'où ça pouvait sortir, et j'aurais trouvé ça fou que ce soit vrai, en fait. Et donc, ça, je rebondis un peu sur ce que tu dis, parce que dans le livre dont moi je vais parler, dans pas longtemps, après la prochaine pause musicale, tu dis, il y a Francis Ford Coppola, il y a Spielberg aussi, t'as dit ? Non, aussi Spielberg. Oui, un petit peu. Oui, il y a Spielberg, il y a De Palma. De Palma, pas trop, apparemment. Enfin, bon, Non, mais il est là, on le voit passer. Ok. Mais on doit le voir passer, parce que justement, Paul Hirsch, celui dont je vais parler, était le monteur de Brian De Palma. Pour tous les films avant Star Wars, qui sont sortis avant Star Wars. Il y a aussi le monteur Paul Hirsch qui explique des choix de montage qu'il a pas imposé, mais presque, à George Lucas, et qui lui ont fait effectivement changer d'avis. Et en fait, tout se joue à un truc. Là, je vais parler vraiment aux geeks. Je sais pas si toi tu te souviens, mais dans Le Nouvel Espoir, donc dans le premier Star Wars, quand ils l'ont ressorti la première fois, juste avant de sortir la prélogie, ils avaient remis à jour effectivement les effets spéciaux, et ils ont sorti une vieille scène où on voit Han Solo qui parle avec Jabba the Hutt autour du faucon sur Mos Eisley avant de s'enfuir avec l'Empire qui leur court derrière, quoi. Et j'avais lu que cette scène était prévue depuis une éternité avec un Jabba the Hutt en image de synthèse, etc. Chose qui apparemment n'est... Je sais pas si c'est vraiment ça, en fait, même si ça a l'air d'être effectivement ça. George Lucas avait envie d'une créature comme ça, mais il n'avait absolument pas les moyens techniques pour le faire. Donc à l'époque, ce qu'il avait fait, c'est que Jabba the Hutt n'était pas du tout censé être un espèce de gros ver de terre tout luisant et tout gluant et tout dégueu, mais il était incarné par un acteur qui était nul. Et donc ils avaient fait cette scène avec cet acteur nul. Et le monteur, Paul Hirsch, il a dit « Mais c'est pas possible, on peut pas utiliser une scène avec un acteur aussi nul. » Et George Lucas, lui, a essayé d'utiliser, de faire autrement, de cacher, de faire dessiner quelque chose par-dessus l'acteur jusqu'au bout, quoi, pour finalement lâcher la scène. Et n'empêche que, 20 ans plus tard, quand il va devoir les ressortir, il va utiliser la technologie que lui aura, parce qu'il a créé donc ILM, Industrial Light and Magic. Ça, ils doivent en parler peut-être dans la BD. Oui, tout à fait, BD. Oui, complètement. Ça a un rôle assez important dans le récit, effectivement. C'est-à-dire que le gars avait quand même une vision de ce que pouvait ou des effets spéciaux, en fait, de l'importance que pouvaient avoir les effets spéciaux et de ce que lui, il voulait voir dans un film via des effets spéciaux, quoi. Alors, effectivement, moi, j'ai trouvé ça étonnant. Je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, donc, c'était pas des conneries. Effectivement, il n'avait pas tourné comme ça. Il avait passé par plein d'étapes, mais en tout cas, le mec avait une vision et de toute façon, il voulait pas lâcher l'affaire. Après, c'était une très mauvaise idée. Vraiment, cette scène, elle fonctionne pas du tout. Elle est nulle et vraiment, il aurait dû la laisser dans les limbes. Mais elle est, ben, quand il a ressorti, il n'y avait pas Paul Hirsch à côté de lui, il n'y avait pas sa femme, il n'y avait pas Spielberg, il n'y avait pas Francis Ford Coppola. Et finalement, cette théorie comme quoi, ben, en fait, George Lucas, c'est nul. Et la Star Wars, c'est nul à partir du moment où George Lucas est tout seul. Et ben, finalement, c'est pas si... pas si incohérent, c'est plutôt crédible, quoi. Mais en tout cas, enfin voilà, après avoir dit un peu de mal de George Lucas, oui, non, mais moi je peux en dire encore longtemps, et d'ailleurs, je vais pas me gêner, pareil. Je vais pas me gêner, mais en tout cas, là, malgré ça, voilà, malgré le fait que moi je sois pas, je me serais vraiment pas jeté dessus, parce qu'en plus, c'est vrai que Star Wars, bon, il épuise au possible, donc là, tu te dis, ouais, deux petits Frenchies, ça y est, aussi, ils vont se mettre à utiliser à user la corde Star Wars encore un peu plus. Bah non, le bouquin est intéressant, notamment quand on s'intéresse un peu au cinéma avec ou sans George Lucas, pour le coup. Donc j'en conseille la lecture, personnellement. Eh bien, pour une fois, on va rester sur cette note positive et on va s'écouter un morceau d'un petit groupe allemand qui s'appelle Ansturzende Neubauten. Erstes Geschoss. Hier leben die Blinden, die glauben, was sie sehen, und die Tauben, die glauben, was sie hören. Festgebunden auf einem Küchenhocker sitzt ein Irrer, der glaubt, alles, was er anfassen kann. Seine Hände liegen im Schoß. Zweites Geschoss. Rolle für Rolle rauf, also tapeziert in den Gängen stehen Mieter herum, betrachten die Wände aufmerksam, suchen da auf Bahn um Bahn nach Druck- und Rechtschreibfehlern. Könnten nicht mal ihren Namen ziffern, auf ins nächste Geschoss. Welches Umfunden fertiggestellt nur über die Treppe erreicht werden kann. Hier lagern Irrtümer, die gehören der Firma, damit kacheln sie die Böden an, die darf keiner ran. Viertes Geschoss. Hier liegt der Architekt, der geht auf in seinem Plan. Dieses Gebäude schmeckt voller Ideen. Vom Fundament bis Fundament und vom Fundament bis zum Fundament. Im Erdgeschoss befinden sich mit Türen, die führen direkt ins Freie oder besser gesagt in den Grundstein. Darin warten wer will und 12 Kopf Beton, Grundstein Lego, Grundstein Lego, Lüge, Lüge, Lüge. Gestrichen in Kopfhöhe braun, in Farm, katholisch hier jetzt ab besseren Orientierung. Dachgeschoss, außer ein Schein in der On est de retour sur Radio Duo, sur le 89.5 à Saint-Étienne et alentour. Vous écoutez toujours Qui ou Quoi, où on parle de George Lucas, une fois n'est pas coutume. Benjamin, est-ce que tu m'autorises... Putain de merde, c'est vraiment pas, c'est pas possible. est-ce que tu m'autorises à donc parler du livre que moi j'ai lu pour cette émission, qui s'appelle donc « Il y a bien longtemps, dans une salle de montage lointaine, très très lointaine, non, lointaine, très lointaine, pardon, de Paul Hirsch ». Tu y es autorisé. Merci. Donc, moi, ça faisait un certain temps que je tournais autour de ce livre. En fait, c'est une autobiographie dont j'avais entendu parler dans la fameuse revue Mad Movies, où en fait Paul Hirsch, qui est un monteur qui a connu son heure de gloire pendant les années 80, fin des années 70 et surtout les années 80, expliquait en fait sa carrière. Et il a en particulier participé très très fort au montage du premier opus de La Guerre des Étoiles, donc Un Nouvel Espoir, et il a fait entièrement le second. Il a eu d'ailleurs, pour le montage de La Guerre des Étoiles, il a eu l'Oscar, d'ailleurs. Donc voilà. Donc je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de faire un truc un peu en écho avec ta bande dessinée. Alors, je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Il y a énormément de choses à dire sur ce livre pour les personnes qui sont un poil intéressées. Ça, c'est peut-être ça aussi dont j'aurais pu te poser la question sur le livre, sur la BD que tu as lu. C'est vrai que moi, le livre dont je vais parler, c'est quand même un livre, si on n'aime pas le cinéma, si on n'est pas un poil cinéphile, si on n'aime pas le cinéma américain, d'autant plus, surtout le cinéma des années 80, le cinéma américain des années 80, je ne suis pas sûr que ça parle particulièrement. Même si, effectivement, Paul Hirsch, monteur, qui va commencer comme livreur à un moment pour une boîte qui fait du montage de publicité et qui va monter les échelons et qui va apprendre le métier de monteur en autodidacte, rencontrer Brian De Palma qui va lui mettre le pied à l'étrier, lui permettre de monter un film, deux films, trois films, Phantom of the Paradise, ensuite et bim, ils enchaînent sur Carrie, après ils font... une suite de films. Et puis, comme tu dis, ils se connaissent tous à l'époque, que ce soit Spielberg, Francis Ford Coppola. Et lui, il se retrouve à faire le montage, d'abord à aider au montage sur Star Wars, sur le premier Star Wars, et ensuite à être vraiment le monteur du second Star Wars. En fait, ce qui est intéressant, le livre est donc... plutôt intéressant. Enfin, moi j'ai bien trouvé mon compte. J'aime Brian De Palma. Ou en tout cas, je connais des gens qui aiment beaucoup Brian De Palma. c'est pas toi pour le coup. Mais en tout cas, j'ai été biberonné à ça dans mon entourage. Star Wars, c'est quelque chose d'important. Moi, je les ai vus un milliard de fois. Je fais partie des je sais que je connais des fans, mais qui n'ont jamais vu Star Wars à l'époque où c'est sorti. Et moi, mes parents m'ont emmené à 6 ans voir Le Retour du Jedi sur grand écran. Parce que c'est 82, le Retour du Jedi. C'est pas plus tard, je pense à 84, moi. Je l'ai vu sur grand écran au Ritz à Annecy. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Et après, je l'ai vu, mais à chaque fois que ça ressortait dans tel festival, de toute façon, dès qu'il passait, mes parents me l'emmenaient le voir. Quand ils ont acheté un magnétoscope, chose qui n'existe plus aujourd'hui, mes parents, ils ont acheté un magnétoscope et ils l'ont acheté parce que Star Wars était sorti en VHS. Donc, on a acheté le magnétoscope pour Noël. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a regardé les trois Star Wars d'affilée dans la journée, etc., etc. Dès qu'on s'ennuyait, c'était Star Wars, et voilà. Donc... voilà, moi j'ai un rapport un petit peu comme ça, familial, intime à Star Wars, qui fait qu'aujourd'hui, justement, je suis d'autant plus déçu que j'ai l'impression qu'on a foulé un peu mon enfance au pied en déclinant à foison un concept que je trouvais plutôt merveilleux. Déjà, je m'en étais un petit peu lassé en étant grand parce que je les avais vraiment beaucoup, beaucoup vus, mais par la suite, ça a été une dégringolade. Bref. ce livre qui donc va traiter de tous les films que moi j'ai pu voir dans mon adolescence et voir un peu plus tard, ben en fait, moi j'y ai retrouvé beaucoup de choses intéressantes et pour le coup, et exactement ce que toi t'as décrit dans ta BD. C'est-à-dire un aspect technique, léger, mais quand même. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai toujours entendu parler de l'importance du montage, mais je ne m'étais jamais rendu compte à quel point le montage était important. À quel point le monteur avait une importance dans le film. À quel point un réalisateur ne sait pas monter, en fait, et n'aura pas forcément la notion de rythme d'un montage pour le film qu'il a réalisé. Par exemple, Paul Hirsch est le responsable du montage qui est resté dans l'imaginaire collectif de Star Wars et de plein de gens, dans l'imaginaire de Star Wars, mais surtout dans l'imaginaire collectif, le passage en hypervitesse. Le passage en hypervitesse, George Lucas, il filme deux plans, un plan comme ça, où on les voit de dos, un plan avec les lumières qui prennent de la vitesse. Enfin, je sais pas, tu vois cet effet. La longueur. Voilà, les étoiles qui restent sur place et puis qui finalement deviennent comme des lumières. Et puis, paf, le vaisseau vu de derrière et qui disparaît en deux secondes, en deux images, quoi. Bah, ça, en fait, juste George Lucas, il lui dit, voilà, ça, c'est le passage en hyperespace, démerde-toi. Et c'est lui qui va dire, ah bah tiens, je vais faire comme ça. Il disait même que les lumières qui bougeaient et les fameuses étoiles qui marquent le ciel, bah en fait, l'effet, il disait, il était tout nul. Donc, il l'a coupé avant la fin parce que sinon, on voyait vraiment que c'était un effet et que c'était du studio. Et c'est lui qui s'est dit, ah bah tiens, on pourrait faire avancer très, très vite le truc en trois images. Comme ça, ça le fera. Et où il dit, ah bah tiens, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un effet marquant. Mais c'est lui qui l'a décidé. Il n'y a même pas George Lucas à côté de lui qui lui dit quoi faire, quoi. Donc c'est vraiment... moi, j'ai découvert un truc. J'ai découvert ça. Je savais que le montage était important. Bon, après, il est assez humble dans sa façon de présenter les choses. Mais bon, on sent que c'est quand même un peu... C'est quand même le point de vue du monteur. C'est-à-dire qu'il tire un peu la couverture à lui quand même. Il dit, voilà, j'ai fait ça. Et on n'arrive pas vraiment à savoir si, effectivement... George Lucas, il était sur cinq trucs en même temps. Il y avait trois monteurs différents. Sa femme, à un moment, elle part pour aller faire le je ne sais plus si c'est Apocalypse Now ou si c'est le parrain. Enfin, un des deux qui... Je crois que c'est le parrain. Et donc, lui, il se retrouve tout seul aux commandes alors qu'il était censé être le deuxième monteur. Il y a trois personnes qui montent en même temps. Il y en a un qui supervise. Puis le montage à l'époque, c'était vraiment je découpe les pellicules. Ça devait être horriblement chiant comme travail d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc dingue, quoi. Il voit tous les rushs, noter les rushs qui vont bien. Avec des fois, certains réalisateurs qui disent même pas quel plan il faut garder. D'accord. C'est-à-dire, c'est lui qui fait une présélection de etc., etc. Et donc, il y a un côté comme ça. Il parle un peu de l'évolution de la technique, qu'au début, on fait le montage en regardant un écran en l'air, qu'après, on voit une table de montage sur nos genoux, et puis derrière, après, il y a le numérique qui arrive, etc. Et puis après, il parle aussi de tout ce que tu as dit, c'est-à-dire le rôle du producteur. Il parle beaucoup de la musique. C'est-à-dire que lui, il faisait des pré-montages avec des musiques qui piquaient à d'autres oui. films ou à d'autres trucs. Et en fait, des fois, ça fonctionnait tellement bien qu'il se retrouvait ça orientait le travail du réalisateur, du compositeur qui allait devoir faire la musique. D'où, donc c'est comme ça qu'il justifie les nombreux emprunts de John Williams ses prédécesseurs, du coup. Voilà, c'est ça. Mais ça, ça y est dans la BD ? Non, pas spécialement. Non, je crois pas, non. Non, mais enfin bon, donc il y a plein de choses comme ça qu'on apprend. Il y a aussi, il n'y a pas trop d'histoires de coucherie, parce que lui, il n'est jamais sur les tournages. Donc il y a une histoire sur comment il s'appelle, Harrison Ford, qui lui donne 10 000 dollars, comme ça, enfin bon, sur une histoire de publicité, où ils ont besoin de sa voix, et puis c'est grâce à lui, enfin bon, voilà, et Harrison Ford est trop cool, il partage la paye en lui donnant 10 000 dollars, comme ça, quoi. Et puis voilà. Mais bon, ça parle pas que de Star Wars, moi. Pour le coup, le Paul Hirsch, lui, il va faire tous les Brian De Palma jusqu'à Carrie. Ensuite, il va faire La Guerre des Étoiles. Ensuite, il va faire Fury. Tu vois ce film de Brian De Palma. Il va faire ensuite L'Empire contre-attaque. Et il va même faire Blowout, le film de Brian De Palma avec John Travolta. Mais John Travolta, il va dire le scénario n'est pas terrible. Donc, je découvre que moi, ce qu'il faut pour que je fasse un montage efficace, il faut que je sois d'accord avec le fait que le scénario soit bon ou pas. Résultat, il va enchaîner sur Footloose. Donc, ça fait un peu mettre un peu en perspective. Enfin, on se dit, en fait, est-ce qu'il a bon goût ? Est-ce qu'il a... Enfin, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qu'il a pu voir dans Footloose ? Parce que Footloose, pour le coup, comme je suis très professionnel, comme il parlait de Footloose et qu'en ce moment Footloose est sur Netflix, je me suis dit, je vais regarder Footloose, je ne l'ai jamais vu. Il faut pas que je meure idiot. Bon, voilà. Et donc je ne mourrai pas idiot, mais pas loin quand même. C'est pas un chef-d'œuvre, même si ça reste assez rigolo et ça peut être une Madeleine de Proust. Bref, en fait, on découvre tout ça, on s'attache à ce monsieur qui est quand même qui a l'air relativement simple. Je découvre aussi qu'un monteur ne va pas faire beaucoup de films dans sa vie. Il va faire tout de suite 20 films, parce qu'une production type Star Wars, c'est 2 ans de sa vie, en fait. Donc, un monteur, dans sa carrière, il a une filmographie qui n'est pas beaucoup plus importante qu'un réalisateur, en fait. Alors qu'on on est sur les petites mains, un petit peu, du cinéaste, du cinéma, pardon. Et puis voilà, c'est quand même un monteur qui est assez important. Il a quand même fait La Folle Journée de Ferris Bueller. Il a fait, des bouses, Footloose. Un film qui s'appelle Le Secret de Mon Succès. Je ne sais pas si tu l'as vu. Avec Michael J. Non, Fox. Non, je ne crois pas. Voilà. Avec qui, pardon ? Michael J. Fox. Ah ouais, non. Non, Un Ticket pour deux de John Hughes. Ouais. Il retourne parce qu'en fait bon je vais vous avouer je l'ai presque lu, il me manque même pas 100 pages là, il est retourné parce que c'est quand même un gros pavé de 450 pages. Il retourne avec Brian De Palma, il est en train de faire Mission Impossible. Ensuite, il sait qu'il va faire Mission to Mars. Justement, avec mon collègue de La Nuit des Temps juste avant, on a un petit peu parlé de Mission to Mars, qui, pour ceux qui l'ont vu, n'est pas considéré comme le meilleur Brian De Palma. Non. Mais bon, il y a des bonnes choses dedans. Donc voilà, il me manque 2-3 films et les remerciements. Mais je tiens le bon bout. Pardon. Vas-y. Non, mais pour réagir un peu à ce que tu disais, alors déjà, pour réagir à ce que je disais aussi plus tôt, souviens-toi que David Lynch a épousé sa monteuse. Oui, mais alors, tu veux me spoiler la fin ? Tu veux dire George Lucas, il va finir avec Paul Hirsch ? toi, sur la proximité qu'il peut y avoir. Alors, je ne sais plus malheureusement où est-ce que j'avais lu ça. Mais je me souviens d'un truc, ça m'avait marqué en disant, de toute façon, dans toutes les soirées mondaines et people d'Hollywood, ceux qui ne sont jamais invités, ce sont les monteurs. Ah. Alors là, je dirais pas forcément ça, parce qu'il en a fait pas mal des soirées, mais justement, comme il est pas trop faux, par contre, lui, il ponctue tout le livre en disant que de toute façon, dans le milieu du cinéma, tout ce que les gens aiment faire, c'est te mettre des couteaux dans le dos. Donc, tel producteur, tel réalisateur, même des gens avec lesquels il s'entend très très bien, même George Lucas. George Lucas, moi je trouve ça hallucinant. George Lucas, Paul Hirsch lui fait la Guerre des Étoiles. George Lucas lui dit « Tu as sauvé mon film ». Donc, c'est quand même pas rien, quoi. Ça veut dire que vraiment c'est important. Oui, parce que sauver ce film-là, c'était aussi sauver sa carrière, d'ailleurs. Oui, mais en même temps, ILM, on pourra en discuter, mais ILM a été créé au même moment, etc. Puis c'est parti sur autre chose. D'ailleurs, moi ça, j'ai toujours voulu en parler que La Menace Fantôme, c'était juste un spot de pub d'une heure et demie pour ce que pouvait faire ILM à l'époque. Et que ce n'est pas du tout un film, en fait. C'est juste, regardez ce que moi, je peux faire avec ma boîte d'effets spéciaux. venez passer des contrats avec moi. Vous allez voir, c'est super. Au détriment de l'histoire et de tout ce qu'il avait fait avant. Parce qu'il n'en avait plus rien à foutre. De toute façon, il le dit dans le film, dans le livre, pardon. Il dit à Paul Hirsch, il dit, de toute façon, moi, je ne veux pas réaliser le deuxième. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est avoir la thune à la fin. Donc, c'est pour ça, il dit, réaliser, c'est trop de soucis par rapport à l'argent que je vais gagner. Là, producteur, je peux donner mon avis, je peux forcer sur certains trucs qui ne me vont pas, et de toute façon, à la fin, c'est moi qui ai le plus d'argent. Donc voilà, quoi. Il délègue, il a très bien délégué, il sait ce qu'il veut, et puis voilà. Il a réussi à bien s'entourer sur les trois premiers, sur la suite, il est plus en roue libre, et tout va bien, quoi. Et tu sais pourquoi, la justification qui était donnée pour le fait que les monteurs et monteuses n'étaient que très rarement invités dans les soirées people et mondaines d'Hollywood? C'est qu'en fait, ils font peur parce que eux savent vraiment qui sont les bons et les mauvais comédiens. Ah. Parce que justement, ils se bouffent tous les rushs et que voilà, et que personne a envie de finalement copiner avec ces gens-là parce que tu sais, bah, ça rejoint peut-être ce que tu disais sur le fait des couteaux plantés dans le dos en disant ce mec ou cette nana sait que j'ai fait 50 prises parce que j'y arrivais pas, tu vois. Alors pour le coup, Paul Hirsch ne parle jamais des acteurs. Vraiment très très peu. Il parle des réalisateurs beaucoup, il parle des producteurs, il parle des compositeurs et il parle très très peu des acteurs. Vraiment très très peu. À part Jabba the Hutt qui était nul à part. sur l'idée du montage, bon bah j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure, c'est assez rigolo parce que ça n'avait pas grand-chose à voir avec notre émission de ce soir, mais bon il y a tous les exercices là des Einstein qui montraient, tu sais, une même scène montée différemment avec ou sans musique et à partir des mêmes images comme tu peux exprimer des choses différentes. Mais je suis tombé dans la semaine sur une espèce de vignette, tu sais, de Combini, où il demandait à Quentin Dupieux d'aller dans un vidéoclub, ouais. Voilà, pour parler de film, et il parle de Duel de Spielberg. Oui. En disant que c'est un film de montage. Mais que, c'était un exercice de fin d'année, hein. C'était un film de fin d'année. C'était pas un film qui était destiné à sortir au cinéma. Bien sûr, mais qui est fait avec très peu de moyens. Oui. Et où il dit, au final, c'est quoi? C'est une voiture sur une route relativement désertique, suivie par un camion. Il n'y a pas mille choses à faire autour de ça. Et si le film tient malgré tout la route... C'est grâce au montage. C'est grâce au montage. Et c'est vrai que donc Eisenstein en fait la démonstration. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là. J'avais vu ça il y a... Je l'ai jamais vu. C'est vrai que Eisenstein, il est considéré comme un des génies du montage. Bah oui, et puis un des créateurs de la grammaire cinématographique et de la théorie cinématographique. Enfin, j'espère ne pas dire de conneries en disant ça, mais c'est vrai que voilà. Donc effectivement, le montage est un truc assez important. Mais c'est du coup, il est chez qui ce bouquin? C'est quatre. Alors c'est cet éditeur, c'est Alman. Oui, Almano. C'est Carlotta, pardon. C'est Carlotta Édition. Ah, c'est Carlotta, je croyais que c'était la boîte, tu sais, qui est liée à ce film. Ah non, pas du tout. Alors après, sur la forme, donc voilà, moi j'ai un côté geek avec le cinéma, en plus c'est des films qui m'ont parlé quand j'étais plus jeune, je vois de quoi ils parlent. Je sais pas si quelqu'un qui n'a pas vu ces films peut être intéressé par le livre. Même si c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de ces films que j'ai pas vu, Footloose je l'avais pas vu mais je savais à peu près de quoi ça causait, et bon pour le coup j'ai voulu le voir par la suite, mais c'est l'ambiance, enfin on retrouve une ambiance et un cinéma d'une époque qui moi me parle. Je sais pas si ça parlera forcément à d'autres personnes, et là où le bas blesse c'est que en fait c'est traduit par un monsieur qui s'appelle Pierre Filmon est documentariste c'est lui qui écrit l'avant-propos. Il est documentariste, il a fait un jour un documentaire, il a rencontré Paul Hirsch, il l'a trouvé très intéressant, ils ont bien sympathisé et en fait tellement sympathisé devant une personne qu'il a vraiment trouvé aimable et entière et intéressante, que quand Paul Hirsch a sorti son livre aux États-Unis, il s'est dit je vais le traduire. sauf qu'il est documentariste, il est pas traducteur, quoi. Ouais. Et donc je sais pas le style, je sais pas dans, si en VO c'est bien écrit, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est pas très bien traduit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments, c'est à la limite du Google Trad. C'est vraiment, c'est un tout petit peu au-dessus. Bon, voilà, c'est pas très grave. On sait que je l'ai pas lu pour lire du Proust. Je l'ai pas lu pour le style littéraire. C'était plus pour ce qu'ils avaient à dire. Mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu bon. C'est pas terrible. Quoi. Voilà. Mais au moins, j'ai pas vu de coquille. Donc bon. Au moins, l'éditeur a à peu près fait son boulot. Voilà, c'est ça. Non, mais bon, le livre est. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez fun quand même. Toute cette partie sur Brian De Palma, etc. Excusez-moi. J'ai toussé. Voilà. Faudra un jour qu'on fasse une émission, tu sais, sur la traduction. Sur comment, sans avoir lu la version originale, t'arrives des fois à te dire que le livre est bien ou mal traduit. Ah oui, non mais bon, bah, c'est parce qu'il y a des expressions, il y a des idiomes qui sont pas... Il faut faire attention quand on les traduit, quoi, tout simplement. Moi, tu vois, je ne l'achète pas, c'est pas possible, quoi. Je vais peut-être relancer un teaser, et d'ailleurs, ça sera ton challenge pour l'émission prochaine. Je suis à 100 pages de finir donc la saga qui a cartonné l'année dernière Blackwater. Ouh là là. Et donc voilà, tu il va falloir 1500, que... t'as 1500 pages à lire pour le mois prochain. Si je lis le premier, c'est déjà bien, non? Mais je veux bien, pourquoi pas. Typiquement, je sais pas ce que vaut l'écriture de Michael McDowell dans sa version originale, mais quand tu lis le premier tome et tout, tu te dis, ouais, c'est bien traduit. Enfin, en tout cas, le bouquin, stylistiquement, tient la route. Hein, voilà, alors qu'on pourrait parler de... Comment s'appelle ce bouquin La vérité sur l'affaire Harry Kéber. De Joël Dicker. Ouais. Tu l'as lu, ça, ou pas? Non. Ah, c'est assez fantastique, parce que c'est vraiment très mauvais. Et que le mec, tu te dis, il a voulu faire un polar à l'américaine, un polar populaire à l'américaine, il a poussé le vice à l'écrire comme s'il était mal traduit, parce que le bouquin est écrit en français, mais que t'as quand même l'impression de dire un truc mal traduit. C'est assez, de ce point de vue-là, c'est assez génial. Pourtant, Joël Dicker est très... Enfin, en général, c'est des gros succès. Ah ouais, moi j'avais vraiment... Alors, c'était très intéressant. Tu creuses ton sillon comme quoi les gros succès, c'est pas ton truc, quoi. Bah écoute, alors, à sa décharge, ça se lisait très très bien et très très vite. Alors moi, le côté qui se lit très vite, c'est pas toujours bon signe en ce qui me concerne. Mais le bouquin, tu sais, c'est de ces livres dont tu dis que c'est un page-turner, tu vois. Oui. Tanky, puis t'arrives à la fin du bouquin et t'en as marre. Et puis t'as la révélation finale et t'en as vraiment plus rien à secouer. Et t'es même un peu en colère parce que tu t'es quand même... Parce que en plus, le bouquin était pas petit, de faire, je sais plus, 600 pages, un truc comme ça. Non, là, ouais, non, 400. Tu dis, ouais, bon, j'ai lu ça vite, ok. Mais alors, enfin bref. Bon. Revenons à George Lucas. Moi, j'ai plus d'extrait. En fait, on peut expliquer aussi aux personnes qui nous écoutent que j'ai complètement oublié les intermèdes musicaux. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé deux morceaux à passer vite fait, comme on dit. Alors que un cappella, peut-être. Oui, non. Alors que pour le coup, on l'avait presque préparé. où j'ai partagé avec toi, tiens, ça te dit qu'on passe ces morceaux-là, donc on les passera la prochaine fois, hein, tout simplement. Bon, on peut dire peut-être ce qu'on aurait voulu passer. Non, on va pas faire ça. Non. Voilà. Je voulais juste quand même dire un truc sur Star Wars. Donc, moi aussi, je conseille plutôt la biographie de Paul Hirsch si vraiment vous êtes intéressé par le cinéma. C'est quand même un truc un peu de geek, quoi. Voilà, de geek de cinéma. Mais donc ça fait longtemps qu'effectivement on n'avait pas fait une émission où les deux tous les livres dont on parle nous ont plutôt plu. Mais je voulais quand même dire un truc sur Star Wars, le crier haut et fort. Et là je vais juste donner mon avis. C'est vrai que moi je tiens à ce que quand même on sache que on n'est pas une émission de comment on dit de d'éditorialiste, mais on n'est vraiment pas journaliste. Donc pour le coup. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on donne quand même beaucoup nos avis. Star Wars, moi j'encourage les gens à regarder que les premiers, les 4, 5, 6. J'ai eu une première, j'ai eu un gros rejet de la, de, des 1, 2, 3. Je ne sais pas si tu, tu les as vus. De la prélogie, ouais, j'ai vu. La prélogie, où en fait, quand c'est sorti, j'étais tellement en colère contre George Lucas, j'étais prêt à le reconnaître, j'étais prêt à... En fait, je souhaitais lui faire un croche-pied pour qu'il tombe les genoux dans les graviers. Tu vois, c'est dire comme je voulais du mal. De manière lâche, quand même. Voilà, c'est ça. Et après, ils ont fait 6, 7, 8, non, 7, 8, 9. Et résultat, ça m'a fait revoir un peu à la hausse le 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Parce que, en fait, George Lucas a lui-même dit, il a dit, ouais, non, mais en fait, tout le monde m'est tombé dessus, mais moi, au moins, j'ai pas refait les mêmes films que, les, que 4, 5, 6. Et c'est vrai que 7, 8, 9, c'est quand même un peu les mêmes films, quoi. C'est plus bah, des reboots que des films. Et pour moi, je me souviens que... Pardon, excuse-moi. Non mais, vas-y. Non, mais ça suffit pas de les faire passer en hyper vitesse pour dire c'est Star Wars, quoi. Bref. Et là, pareil. Donc moi, j'étais vraiment... après le 1, 2, 3, le fait qu'ils revendent la franchise, c'était pas possible, quoi. George Lucas avait foulé aux pieds toute mon enfance. Je suis toujours en colère. Genre, c'est pas possible de pas respecter à ce point le public qui a tellement aimé ce qu'il avait fait. Ou alors, et vraiment à se demander, putain, mais c'est lui qui a eu ses idées, où il a tout volé. Après, tu vois les films comme Dune de Jodorowsky, là, où tu te rends compte qu'ils ont piqué quand même pas mal d'idées. Enfin bon, tu te dis, vraiment, tu te poses des questions. Et il se trouve que j'ai vu, des années plus tard, une série qui s'appelle Clone Wars, qui est disponible hein, sur Disney+, si on a envie, qui se passe entre le 2 et le 3 de la prélogie, là. Et qui, elle, est supervisée par George Lucas, complètement, de A à Z. Et pour le coup, c'est un peu moche, parce que c'est des images de synthèse qui ont un peu vieilli. Ça suit Anakin Skywalker et une jeune apprentie Jedi qui s'appelle Ahsoka, qui est d'ailleurs Ahsoka Tano, qui a d'ailleurs sa série sur Disney+, qui vient de sortir, je crois. Et ça, c'est vraiment vachement bien. Ça m'a réconcilié avec George Lucas et avec, d'une manière générale, Star Wars pendant un petit moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on me demande, je dis 4, 5, 6 et Clone Wars. C'est dire. Voilà. Tout le reste du caca. J'ai dit des conversations sans fin sur Rogue One, comme quoi c'est pas bien. Enfin bon, voilà quoi. Mais ouais, j'avais envie de prendre position publiquement sur le fait que Clone Wars, c'était quand même vachement bien. Moi, je ne remettrai jamais de l'apparition de Dark Vador dans la menace, dans la Revanche des Sith. Oui, ouais. Ah, et que t'as trouvé ça pas bien ou t'as trouvé ça bien? Ah, j'ai trouvé ça naze, mais naze. Mais alors que c'est le seul moment que je trouve un peu rigolo. Bah ouais, non, c'est à peu près la seule attente que j'avais dans le film. Et tu te dis mais bon, enfin si c'était pour nous faire un hommage au Frankenstein de James Whale de 1935, bon, il y avait moyen de faire mieux sans doute. Mais tout ça pour ça, enfin bref. Mais c'est vrai que j'avais vu moi sur Canal avait fait pour un nouvel an il y a une dizaine d'années de ça, peut-être même plus d'ailleurs. Oui, plus. Ils avaient passé les six films qui existaient à l'époque. D'accord. Et donc, je les avais fait dans la journée, voilà, le 1er janvier, ou le 2 janvier, je sais plus, avait été consacré au visionnage des six films de l'époque. Et c'est vrai que l'avantage de cette saga dans ce sens-là, c'est que tu te dis, bon, au moins, on va finir par les bons. Oui, c'est vrai. Bon, même si les avis sont partagés sur le retour du Jedi, pour le coup. Ouais, voilà. Mais ça c'est après voilà. Après il y a le côté un peu Madeleine où effectivement tu, enfin moi je revois ça en étant partiellement le gamin que j'ai pu être et je pose un peu moins de questions quoi. En fait c'est pas tant c'est moi j'ai découvert que il y a des gens qui détestent les Ewoks. Et bon, et moi j'ai rien contre les Ewoks particulièrement. Au contraire, quand j'étais jeune, j'ai trouvé super. J'aurais trop voulu en avoir comme pote. Voilà, mais c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé vers toi. Non, mais clairement, c'est vrai que ça sentait fort la peluche quand même. Ça sentait fort le produit. Le produit dérivé, ouais. Et puis il faut quand même pas oublier le film sur les Ewoks avec Dorothée qui fait la voix. Oui. Donc, enfin bon, il y a quand même plein de signes précurseurs de cet aspect très. Financier de George Lucas et bien de sûr. Son opportunisme à plein de choses quoi. Et c'est vrai que mais si tu veux, quand je parle du fait que je revois le Retour du Jedi avec bah, la part d'enfant, c'est que moi, à l'époque, quand c'est sorti, j'étais cœur de cible hein, de l'Ewok hein, et de la peluche, même si j'en ai jamais eu, qu'en l'occurrence, ça ne m'a pas intéressé. Mais tu vois, potentiellement, je faisais clairement partie, j'avais l'âge d'être cœur de cible, en tout cas. Ouais, tu préférais les Gremlins. Ah, c'est vrai. Bon. Eh ben, écoute, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà une bonne heure qu'on discute de George Lucas et c'est presque lui apporter trop d'honneur. Donc voilà, vous pouvez écouter cette émission et ne jamais aller voir Star Wars parce que de toute façon, il a déjà gagné beaucoup trop d'argent grâce à nous et il s'est un peu moqué de nous depuis. Et puis surtout Disney qui continue à tirer la corde, c'est juste pas possible. Donc voilà, ça c'est une autre de mes positions très fortes. Hein. Voilà, ça taille à 11h sur Radio Dio. On va se dire au revoir, Benjamin. En plus, c'est la fin des musiques qui accompagnent le CD. Eh ben voilà. Donc je crois que c'est un bon signe. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Axel. On se retrouve dans un mois. C'est ça, normalement. Hein. Voilà, où je ne dis pas qu'on va parler de Blackwater, je ne suis pas hyper motivé. Je veux bien les lire, mais là, je n'ai pas trop le goût, en vrai. Donc, on en reparle, hors antenne. C'est ça. D'ici là, ben, voilà, dans deux semaines, sur notre créneau, il y aura Comme à la Radio Dio, ou c'est la semaine prochaine, une des deux. Et de toute façon, retrouver des excellentes émissions du jeudi, avant qui ou quoi, à savoir Ghetto Vibes et La Nuit des Temps, parmi les deux meilleures émissions de Radio Dio, parce que le jeudi, c'est la meilleure journée. Bon, bref, arrêtons de failloter et de dire n'importe quoi. À bientôt, Benjamin. Salut, Axel. Bonne nuit à tous et portez-vous bien. Allez, hop.